25 décembre, 7h35, salle commune des Albators. Vite, mes cadeaux! J'espère que mon frère Warly m'a envoyé son fanzine hentai. Hachi, bouge-toi les fesses! Hein? C'est Noël, y a plein de cadeaux pour nous! En plus, même Mitten est rentrée chez elle, c'est déjà un rêve devenu réalité. Moi aussi j'ai reçu des cadeaux! Bah oui! Mais j'ai jamais rien reçu de ma vie. C'était toujours Bidley qui avait tout, même les trentaines de filles habituelles. Enfin, j'ai toujours su me débrouiller. Celle qui n'aimait pas, il la jetait dehors et elle finissait sur mon palier. Ah, je comprends mieux ton assurance avec les nanas maintenant. Hey, Matsa, mon frère Will m'a envoyé des dragées surprises de Bertrand Couillu. Ah, par contre, ma mère m'a encore envoyé une pioche. Je pensais qu'elle arrêterait maintenant que je suis à l'école. On dirait qu'elle m'en a envoyé une aussi. Tiens, c'est bizarre ce truc. On dirait une combinaison. Hey, mais c'est hyper rare! C'est un camouflage optique comme celui de Snake dans Metal Gear Solid. Tu veux dire que je peux devenir invisible avec ça? C'est trop dément. J'avais lu dans Tanuki Parade qu'il fallait faire recharger des heures entières pour avoir ne serait-ce que quelques minutes d'invisibilité. Mais je ne vois pas de prise, c'est bizarre. Y a pas une notice? Juste un mot, super mal écrit d'ailleurs. Le mec doit un peu trop trembler. Ton père m'a laissé ça avant de mourir, je pense qu'il te revient de droit. S'il n'était pas venu me le donner, il aurait peut-être pu s'enfuir du pays. Mais bon, il est bel et bien mort et c'est pas folichon. Sayonara. Attends, mais moi je m'en fous, à la limite j'aurais préféré avoir un père. Bon, c'est un peu trop tard maintenant. Allez, je l'enfile pour voir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Trop bien, on te voit plus du tout. Et si je te touche, ça fait quoi? Hey, je suis invisible, pas disparu. En réfléchissant, je pense que je pourrais en apprendre un peu plus sur ce Netero si je vais fouiller sur les serveurs de la médiathèque. C'est faisable du coup. Ah regarde, on m'a offert autre chose. Waouh, c'est ton parrain qui t'a offert ça? Banal Fantasy 2? Je savais même pas qu'il était sorti. Tu peux le tester vite fait. 22h16, toujours au même endroit. Mais qu'est-ce que je dois faire avec cet objet là, le Comtesse Cochonou? Vas-y, défonce le boss. Yeah, mange ta mère. Je vais défoncer sa tête à cette sorcière au nichon plus gros que la tête. Wouah, t'as vu la cinématique? C'est quoi, il se fait embrocher? Bah dis donc, avec ça, notre exposé du cours de jeux vidéo, c'est les doigts dans le nez. N'empêche, on aurait peut-être pas dû se gaver avec autant de bonbecs toute la journée. Bon, il est temps d'aller tester cette combinaison invisible. Par contre, ça va être galère d'emporter l'ordi avec moi pour utiliser le logiciel de tes frangins. Bon, c'est pas grave, ça devrait le faire quand même. 22h27, Temple de la Vierge. Devrais peut-être en profiter pour donner une bonne baigne à ce cher Snap. L'avait pas qu'à nous donner autant de devoirs. Alors à gauche de la statue de Cosmocat. Ah voilà le PC de la vieille Madame Pince. Mince, je suis obligé de retirer la combinaison, l'écran est trop lumineux avec ça. Bon, voyons dans la barre de recherche. Pour les informations concernant Netero Sensei, il vous en coûtera 500 000 yens. Quoi, ils se foutent de nous? Bon, j'ai jamais eu l'esprit comptable. Ah, j'ai qu'à rentrer le numéro de banque de Harid. Je l'avais piqué une fois chez lui quand il était rond comme une queue de pelle. Hop, là les infos. Ah, c'est donc lui le président de la Confédération des Hunters. Il est aussi diplômé de Jobar avec mention Dieu Otaku, c'est-à-dire 20 sur 20 à toutes les épreuves des asticots de dernière année. Attends, mais c'est une blague? Il a actuellement plus de 150 ans. Il survit grâce à un pacemaker créé dans un alliage de métaux spéciaux commandé à Kaiba Corp. Décidément toujours dans les mauvais coups, cela. Ah mais oui, ça me revient maintenant. Quand on était à la rue des Tigresses, enfin des perverses, c'est pareil, Harid avait pris un pacemaker dans un coffre de la banque. Et d'après les dernières infos, celui de Netero arrive en fin de vie. Et il en a commandé un nouveau qui ne lui a jamais été livré. C'est ça, en fait, Dumbanawa, il l'a chouré juste devant le nez. Il y a quelqu'un? Oh non! Est-ce vous, Powa? Est-ce vous, Satan? Ah non, c'est vous, professeur Lapin. Lupin, vous ne vous y ferez jamais, n'est-ce pas? Arsène Edgar Lupin. Bref, vous n'avez rien à faire ici. Venez avec moi. 22h46, Temple du Lion dans mon bureau. Admirez la magnifique représentation de Sailor Mars, taille réelle. Alors, comment trouvez-vous mes cours de mécanique quantique jusque-là, Hachi? Intéressant, mais un peu facile quand même à mon goût. Évidemment, comment aurait-il pu en être autrement? Vous êtes le digne fils de votre père. Oui, oui, je l'ai connu. Et ma mère? Elle est morte. Mais elle n'était pas vraiment importante, hein. Non, l'important, c'est que vous ressemblez vraiment à votre père. Ah, ce cher Jace, il me manque. Oui, bah c'est bien gentil, mais je préfère encore que vous me punissiez plutôt que d'entendre ce genre de choses. Oui, je n'ai pas pensé à vous, désolé. Professeur Lapin. Lupin. Ouais, dites-moi, comment vous y êtes pris lors du match de Angelic Killer pour faire fuir les Blugori? Ah, ça? Ce sont des tubes spéciaux qui ont été livrés en goodies pour les bêta-testeurs de Dragon Quest X. Je ne sais pas comment ça marche vraiment, mais en gros, il suffit de dire « Delupa » en le tenant à la main pour en faire sortir un animal capable, bizarrement, de repousser les blougueries de la prison d'Impel Down. Un peu comme un génie de la lampe. J'en ai eu 3, si vous voulez, je vous en passe un. Ok, je prends. Pour le faire rentrer, il faut prononcer le mot Iru Iru. Oh yo. Sur ce, merci et bonne nuit, professeur Lapin. Oh. Il est bientôt 23h30 et j'ai encore loupé la rediff de Dick Grayman. Mince, c'est quoi ce cirque encore? Je me suis paumé. J'étais persuadé que c'était à gauche, à côté du temple avec une colonne. Tiens, mais je connais pas cette salle. Professeur Dumbanawa, qu'est-ce que vous foutez là? Hachi, tu n'es pas au lit. Moi j'ai fait des prédictions grâce à un verre à pied rempli d'eau avec une feuille dessus. Ah bon? Et vous voyez quoi? Eh bah ça te concerne, Hachi, car tu es l'élu. Comme Néo? Oui, quelque chose dans ce goût-là. Mais plus simplement, tu devras tuer Worude Morute afin de soit servir le monde, soit le sauver, au choix. Dans les deux cas, c'est intéressant. Et comment je dois m'y prendre? Si personne n'a réussi à le détruire jusque-là et qu'en plus il a disparu depuis un certain temps. Après toutes ces années, je crois enfin avoir compris comment il fait pour être aussi puissant. Mais les explications viendront plus tard. Va te coucher maintenant, petit saloupio. Tu as vu l'heure? Quel langage, professeur? Eh mais, vous avez quoi au bras? On dirait qu'il est en métal. C'est un automail, un bras mécanique. C'est un peu compliqué à expliquer. Vous demanderez au professeur Madame Ingall, elle en connaît un rayon là-dessus. Quant au fait qu'il commence à rouiller, c'est quelque chose dont je te parlerai plus tard. Olin, on a un hérisson survitaminé. Ça va, ça va. 9 janvier 2000XX, 14h. Je la sens bien cette prochaine épreuve. Nous revoici pour cette avant-dernière épreuve de l'examen. Tous les candidats perdants doivent être bien énervés de voir que 4 jeunes de première année ont réussi les 3 premières épreuves. En plus, ils viennent de Jobar. Je vois qu'il n'y a plus personne des écoles Rebirth ni de Akira. Il n'y a plus qu'un étudiant de l'école Nausicaa. Et comme il ne doit y avoir qu'une personne de chaque école dans la dernière épreuve, bah tu es d'ores et déjà qualifié. Pour les 17 autres, vous allez devoir vous affronter en duel de cartes en suivant une pyramide afin de désigner celui qui représentera votre école. Il s'agit du jeu Yu-Gi-Oh! Je n'ai pas besoin de répéter les règles, je suppose que tout le monde les connaît. Non. Vous avez quelques minutes pour aller chercher votre paquet de cartes. Je suppose évidemment que vous en avez tous un. Non. Et c'est quoi ce que t'as dans la poche? Ça? C'était sur mon lit ce matin. Ben, c'est des cartes Yu-Gi-Oh! Ah. Non, c'est bon, je déconne, hein, j'ai ce qu'il faut. Alors préparez-vous bien. Ah mince, je tombe sur Elmiton au premier tour. Oh là, elle est balèze à ce jeu. Tu ferais bien de lui expliquer les règles, Wan. Sinon, Hachi sera éliminé en même pas 2 minutes. Bon, il paraît qu'il y a les Morning Musume qui vont faire un show. Moi, j'y vais. Alors en gros, il y a des cartes monstres que tu peux faire attaquer ou défendre, et il y a des cartes magiques qui permettent de les renforcer ou encore de diminuer ceux de l'adversaire. Chaque carte a des étoiles en fonction de la puissance, et tu peux invoquer une carte de haut niveau qu'en sacrifiant 3 petits monstres. Il existe aussi des pièges pour entraver l'ennemi. Plus tu perds de monstres, plus tu perds des points de vie. C'est un calcul bien savant, bien compliqué. Ah, et les duels se déroulent dans les arènes holographiques comme pour l'Angelic Killer. Ok, c'est noté. Bon bah, bonne chance à toi. Hein. Toi aussi. Lisière de forêt derrière chez Arid. J'ai potassé toutes les règles des heures durant. Je connais toutes les stratégies par cœur. Cette fois-ci, tu ne pourras pas te servir de ta chance insolente pour gagner, Hachi. J'avoue que là, je risque fortement de me faire sortir. En plus, j'ai failli m'endormir juste avant le match. C'est l'heure du duel. Ouais. Pas mieux. Honneur aux dames. Alors je place Dame Harpie en mode attaque et une carte face cachée. À toi de jouer! Face cachée? Il manquait plus que ça. Bon alors, ouais, ça a l'air pas mal ça. Je place 2 cartes face cachée et le lutin sauvage en mode attaque. Et puis bon, bah j'attaque. Pas très prudent, Hachi! Je retourne ma carte piège! Force miroir! Moi, je retourne mes 2 cartes magiques ou piège. Enfin, je sais plus. Il y en a bien une qui va fonctionner. Quoi? Tu possèdes le cylindre magique? Madame Harpie a été détruite? À moi, je tire une carte. Je mets le chevalier sirène en mode défense et je termine mon tour. Bon, voyons ça. Alors, je pige rien, il y en a même qui sont en japonais. Allez, je place cette carte et épée de lumière révélatrice. A priori, ça bloque ton monstre. Ensuite, je place le castor guerrier en mode attaque. Pas mal là, non? Ça le fait? Attaque, vas-y. Ok, bah, attaquez. J'y crois pas. Il a détruit mon monstre. Et la deuxième attaque vise mes points de vie. Oh non, j'ai perdu! Yes, dans les dents! Avec une tour, là, je suis chaud! 15-0-04, match Hachi versus Régis Robert. J'ai gagné par KO. T'es quoi tard? 16h10, finale devant la statue d'Athéna. Alors, c'est qui mon adversaire? Nous voilà enfin face à face, Hachi. Ouais, toi aussi t'as réussi, bien joué! Battre Yuya et Karadox, c'était du gâteau. Je ne me suis pas une seule fois battu à fond. Sache qu'il n'y a plus d'amitié qui tienne car je suis le champion international d'Angleterre. Sérieux? J'ai gardé ça pour moi jusqu'à maintenant. Toi, tu as depuis toujours toute la célébrité que tu veux sans même bouger le petit doigt. Sauf que moi, je n'ai que ça. C'est pratiquement la seule source de revenus de mes parents, à part l'exploitation minière. Je reconnais que tu es un peu puissant, mais je veux être champion! Il n'en est pas question, Wan. C'est l'heure du duel! Je te laisse la main. J'engage avec le magicien des ténèbres en mode attaque. Je place une carte face retournée et je termine mon tour. Impressionnant. Je tire une carte. Je place le manipulateur des flammes ainsi que Masaki, le spadassin légendaire. Et j'active une carte que tu connais certainement pas, polymérisation. Mes deux monstres fusionnent pour laisser la place au spadassin des flammes. Et je te prie de le croire, il rocks du sushi. Qu'est-ce que c'est quoi ce truc-là? Il est bien plus fort que je ne le pensais. Mais heureusement, j'ai eu le temps de capter les règles depuis tout à l'heure. Je place mon magicien en défense et j'ajoute un autre monstre en défense, face cachée. 16h23. Yeah, j'active la carte bouclier et épée. 16h48. Zoom! Et j'active le magicien du chaos sombre. 16h64. Je crois pas, je suis en train de perdre. Je n'ai plus le choix maintenant. Viens à moi, mon double maléfique. C'est moi, le somptueux Nao. J'ai enfin échangé ma place avec cet idiot de rouquin. En temps normal, je suis là que pour draguer, mais pas lorsque je joue aux cartes. Cette fois-ci, je n'aurai plus de pitié contre toi, Poa. Tu vas être surpris lorsque tu vas voir cette prochaine carte. Il n'y en a que 4 dans le monde et Kaiba, le concepteur du jeu, en possède 3. J'étais très surpris le jour de notre arrivée à Jobar puisqu'il s'agit de la carte que Dumbanawa a léguée à son frère Javelfort. J'ai subtilisé le colis pour l'acquérir. Viens à moi, Mokona blanc aux yeux bleus! Oh, y'a plus de jeunesse! Détruis son magicien avec ton attaque de lumière! Ouais, j'ai réussi! Au prochain tour, je serai déclaré vainqueur! Prochain tour? Il n'y aura pas de prochain tour pour toi. Tu ne comprends pas, ça va être un massacre à sens unique. Je dépose un troisième monstre sur le terrain. Tu te la pètes un peu trop à mon goût. Il ne vaut rien, et même en fusionnant tes monstres, ils ne seront jamais aussi puissants que mon Mokona blanc. Qui te dit que je veux faire une fusion? Non, c'est bien toi qui m'as dit qu'en sacrifiant des monstres faibles, je peux en sortir un plus fort, n'est-ce pas? Alors voici, Slifer, le dragon du ciel! Un dieu égyptien? Mais je croyais que c'était une rumeur! Comment as-tu pu obtenir une carte comme ça? Probablement grâce à l'amitié, ou bien au cœur des cartes, un truc du genre. Ou alors c'est juste que quelqu'un veut absolument que je sois en finale. Peu importe, va Slifer, attaque de la mort qui tue! Non! Je suis vaincu! Et maintenant, Nao, laisse définitivement la place à Won. Sinon, je t'arrache le cœur, je te coupe la tête, les deux bras et les deux jambes, ok? Ok, ça va, comptez pas sur moi pour revenir jouer à votre truc, sale zotac. Oh non, j'ai perdu! T'inquiète, c'était obligé. Je peux te filer la carte de dieu si tu veux, moi ça m'énerve de bugler à force. De la bombe! Avec ça, je vais pouvoir remporter plein de fric! 24 janvier, cours abrité du temple du poisson. Pour la plus belle partie de Yu-Gi-Oh! Qu'on ait vue à Jobar, j'accorde 100... 150... Non, disons 250 points à Alvator! Sujet de rédaction, donnez les avantages et les inconvénients de regarder un animé en japonais sous-titré. Dans 10 jours, j'ai la dernière épreuve de l'examen, comme si j'avais le temps de faire les devoirs de Snap. C'est clair, d'autant plus qu'on doit se taper la lecture de tous les Angel Sanctuary pour le professeur gastrique. Miton, tu nous feras un résumé, hein? Sûrement pas! Débrouillez-vous tout seul! Vas-y, fais pas ta perso! Je dois toujours faire votre travail et vous ne me donnez jamais rien en retour! À part plus de travail! C'est pas comme ça que ça marche! C'est faux, la dernière fois on t'a donné un paquet de fondant du shoujo! Je suis allergique aux sucreries! Je vous l'ai déjà dit 1000 fois! Ah, du coup c'est moi qui les ai mangés! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-wa? Je voulais vous féliciter pour votre votre réussite! Merci bien, elle était pas facile cette quatrième épreuve, c'est vrai. Bande de crétins! Tid, ton père est tellement pauvre que tu as été obligé de bosser dans une mine jusqu'à tes 10 ans. Bah, c'est pas nouveau, hein, on le sait depuis longtemps. Hein? Et dire que j'ai payé Glaise 15 000 yens pour qu'il demande à son père des infos sur toi au ministère. Tu t'es bien fait arnaquer alors. Tu perds rien pour attendre. Les familles de taco aussi inutiles que la tienne devraient finir au bûcher. Salut les petits lapins. Beau temps pour la saison. Bonjour professeur Donbanawa. Ah justement, je vous cherchais. Vous voulez une tasse de thé? Non merci. Un gâteau alors, je l'ai fait moi-même. C'est gentil mais non. Ah, un jour je trouverai son point faible. Allez, à plus les nazes. Hachi, il faut que je te parle de quelque chose. C'est très important. Ouais, plus tard, peut-être j'ai du boulot, là. Oui, mais ça commence à urger un peu, là. Bon, tant pis. À bientôt. Ah, voilà Fleur du Bambou. Elle est avec... Oh non, c'est Winman. Au revoir. Ah, Hamilton, je te cherchais. Ça serait bien que tu me donnes ton adresse email, comme ça je pourrais te contacter de mon école. Juan, il faut qu'on décide dans quoi tu vas t'habiller pour mon mariage avec Will. Je te vois bien dans une jolie robe rose. Hein? Vous allez vous marier? Ainsi va la vie. Si tu veux mon avis, je crois que les pompons te mettraient bien en valeur, Juan. Plutôt mourir. 3 février, 15h30. Grande salle dans le temple du bélier. Eh, vous savez quoi? J'ai enfin battu Hamilton à Soul Calibur 4. Plus que 2 heures avant l'épreuve finale. Tu penses que ça sera à quoi, Hachi? Mais arrêtez de me prendre la tête, vous voyez pas que je suis assez stressé comme ça? Des gens sont morts dans ce tournoi, je verrai bien quand j'y serai. N'empêche, ils sont forts aussi, Lukum, Fleur et Koruto, l'étudiant Jap. Ah, au fait, je vous avais dit que la dernière fois j'ai surpris Snap qui s'énervait contre Donbanawa, ça valait le détour. Oh. Qu'est-ce que tu fais, Miton? Encore en train de bosser? C'est le week-end, là, des compresses. Je sais qu'on a un boulot de taré dans toutes les matières, mais bon... Je n'arrive pas à me décider sur les cours optionnels de 3ème année. T'as encore le temps pour ça. Mais bon, c'est toujours intéressant de se renseigner. Il y a quoi? Il y a l'étude des cascu, Matsup, Matspe, cours d'alchimie, de droit otaku. Il y a aussi des cours de désintoxication, de yukai et enfin de théorisation en ce qui concerne les prochains chapitres des mangas. En fait, c'est des profs intérim, ils viennent de temps en temps. Mais il paraît que certains ont étudié à Todai. C'est la meilleure université du Japon, même si c'est une école normale. En tout cas, j'espère qu'un jour je me marierai avec un diplômé de Todai. Ça serait le rêve. Si tu le dis. Monsieur Senil Lozabara, c'est qui? C'est qui? C'est vous? Très bien, je viens vous délivrer l'ikigami. Oh, pas mal ça. C'est quel genre de cadeau? C'est terrible. Il s'agit d'un préavis de mort. Ça veut dire que dans 24 heures, Senil va mourir. Un otaku sur 1000 reçoit une nanocapsule dans le corps en même temps que les vaccins vers les 6 ans. Et vers 12 ans, elle explose et il meurt. Pas de bol, Senil. Allez, c'est bien joli tout ça, mais j'ai du boulot, moi. Rendez-vous dans la cour du temple du scorpion. C'est parti! Ouais, bon, bah, on s'en fout un peu de cette transition. On veut l'épreuve! Essai micro, essai. Nous voici tous réunis pour unir par les liens sacrés. Non, c'est pas ça. Nous voici tous réunis ici pour assister à l'épreuve finale de l'examen des Hunters. Pour l'occasion, nous accueillons toute la communauté otaku. Je souhaite la bienvenue aux ministres de la Japatitude de chaque pays, ainsi qu'aux directeurs et directrices des écoles. Madame Tsunade, décédée tragiquement il y a quelques mois, a été remplacée par Madame Shizuku, la concierge. Le temps se couvre, on dirait. Pour la dernière épreuve, les concurrents devront aller là-haut. Sur la montagne? Observez bien ces nuages. Il s'agit en réalité de la tour Karin. Des otaku assez extrémistes se sont mis en tête de la reconstruire telle qu'elle comme dans le manga Dragon Ball. Ils y ont ajouté des propulseurs pour qu'elle puisse se maintenir au-dessus de nos têtes à quelques kilomètres d'altitude. Veuillez ne pas bouger et respecter une distance de sécurité de 50 mètres, le temps qu'ils fassent descendre les 3 monts de charge ainsi que l'escalier en colimaçon. Mais c'est un truc de fou, c'est comme si l'escalier se formait sous nos yeux. Ne me dites pas que je devrais... Les 4 otaku devront gravir cette tour et évidemment arriver au sommet. Il y aura des obstacles à franchir, bien évidemment. Là-haut, le premier arrivé prendra la boule de cristal à 4 étoiles, symbole de la victoire, puis descendra grâce au mont de charge. Les jurés, moi-même ainsi que Ruzardgay, pourront à tout moment utiliser un autre ascenseur pour récupérer ceux qui auront abandonné. Et le gagnant gagnera tout ce dont je vous ai parlé l'autre jour, je vais pas me répéter 15 000 fois non plus. Veuillez également applaudir Netero Sensei qui décernera le fabuleux prix. En tout cas, s'il ne succombe pas d'ici là. À présent, Monsieur Lukum va partir en premier puisqu'il a plus de charisme que les autres. Mais c'est pas normal. Je suis persuadé d'avoir eu les meilleures notes dans les précédentes épreuves. En plus, il a des jambes qui me vont aux épaules. C'est quoi ce favoritisme? Ensuite partiront dans l'ordre Monsieur Poa, Madame Dubambou et Monsieur Koruto. À présent, allez-y. Comment ça, je suis avant-dernière? Bah, de toute manière, je n'ai même pas besoin de gloire ou d'argent. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. C'est à moi. Go! La vache, c'est déjà le 50e palier. Bon, pour le moment, c'est fatigant, mais j'ai pas vu de piège. Si ce n'est les toupies tornades de Ruzard Gay. Qu'est-ce que... Pas possible, c'est un blue gorille. Mais qu'est-ce qu'ils foutent en bas, ils sont tarés. Donne tube, vite. C'était quoi la formule déjà? Jure ou pas? Un castor? À croire que je fais une fixette sur ce rongeur. En tout cas, les tubes du professeur lapin sont peut-être pas au point au niveau reconnaissance vocale, mais ils sont hyper pratiques. Le blue gorille est parti vers le bas de la tour. Il va sûrement rencontrer Fleur, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Allez, c'est reparti pour un marathon. 16h39. Lupin, je m'appelle Lupin. Et il n'a même pas utilisé la formule pour le ramener. 126e étage, et ça monte encore. Quelqu'un descend? Tué Pawa? Tué? C'est Wingman, il n'est plus lui-même. Il a dû être hypnotisé. Ça ressemble au ministre de la Japatitude contrôlé par Vicious Malfait. Viens par là, l'enchaîne japonaise dans les escaliers. Allez, je continue. Ça devrait plus être très loin. 16h57, 199e étage de la tour Karine. Je vais lui rendre la monnaie de 7 pièces avec les intérêts. Enfin le sommet. Mes poumons. Bande de pecnons. Qu'est-ce que tu fous là toi? Cette fois-ci, c'est la fin pour toi, Pawa. Une fois que je t'aurai éliminé, je m'occuperai de ma vraie mission. Puis j'abuse de Mbadawa. Mais t'es malade mon vieux, faut te faire soigner. En plus on dirait que t'as une conjonctivite. T'es idiot en plus d'être débile, Pawa. On m'a greffé un œil de la tribu des Kyoita. Quand je suis en colère, il devient rouge écarlate. Et je peux alors contrôler n'importe qui par la pensée. Tu as rencontré le Koum, n'est-ce pas? Ta dernière œuvre, je suppose. Mais pourquoi tu n'en es pas servi avant? Je devais suivre le plan, tu es de Mbanawa. Même si jusqu'à maintenant, je me suis plutôt foiré et te laisser gagner le tournoi pour qu'aujourd'hui même, tu arrives jusqu'ici. Mais à force que l'on me dise ce que je dois faire, ça finit par m'énerver. Alors je vais m'occuper de ton cas. Qu'est-ce que... Zénil, tu fais quoi avec ce couteau? Il est pas bien ce gros. Il lui a planté dans l'œil, bien joué. Maintenant vise l'autre œil, le rouge. Ah bah, t'as enfin été utile à quelque chose. Bon bah, je pense que tu peux retourner voir ta grand-mère. Plus que quelques heures à vivre, mon pauvre vieux. T'inquiète pas, je lui enverrai un peu de fric pour le cercueil. 17h, 200e niveau de la tour. Si on était dans un manga, on appellerait ce passage la fin d'un arc. La boule à 4 étoiles, où qu'elle est? Ah, le voilà enfin! Ce cher Hachipoa! Vous êtes du jury? Un cosplay du Joker dans Batman? Je vais te juger, assez certain. Emparez-vous de lui! Ah, cette douleur! Mais vous avez aussi le même bandeau de ninja que moi! Ça veut dire que c'est vous, Orude Morute? Lord Orude Morute, je te prie. Ça fait mal, n'est-ce non. pas? Oh, vous avez tué mes parents! Tu es célèbre grâce à moi, mon petit. Ta légende est basée sur des mensonges. On raconte que je suis porté disparu et que je t'ai mis cette puce dans la tête. Mais en réalité, j'ai juste fait une petite erreur. Je me suis simplement électrocuté par mes gardes et je suis tombé dans le coma. Sirius Black Jack, ton parrain, a alors réussi à te retrouver et t'a soigné. D'après ce que j'ai compris, ce vieux Dunbanawa t'a emmené chez ses casse-culs, les Bentley. Le jour de mon réveil, j'étais encore faible. Mais j'ai réussi à retrouver Black Jack et je l'ai fait inculper de meurtre. J'étais persuadé que tu étais vivant et que tôt ou tard, tu irais à Jobar. J'ai donc établi un plan. C'est le moment où vous m'expliquez tout pour que je puisse vous tuer un peu plus tard avec ces informations? Cassez-lui le bras! Tu te tais et tu écoutes maintenant. Tout bon otaku veut pouvoir vivre de sa passion. Et moi, j'ai compris que je ne pouvais pas vivre assez longtemps pour connaître toute l'évolution du monde otaku. J'ai donc voulu faire comme Orochimaru dans le manga Naruto et trouver un moyen de vivre éternellement. La puce dans ton cerveau est alimentée par tes fonctions cérébrales. La conscience étant contrôlée par les neurones, j'ai fait une dérivation dans ton cerveau pour qu'elle travaille également à la génération d'un code génétique permettant à terme de me fournir la vie éternelle. C'est comme si pendant 10 ans, la petite idée que j'avais mise dans ton cerveau avait germé. Et maintenant, je vais la récupérer. Et je vais me faire une joie de te découper le cerveau. Pas si vite, Tom. Toi, ici, mon vieil ennemi Dunbanawa. J'ai toujours détesté mon prénom. C'est pour ça que je me suis appelé Lord Worude Morute. Certes, il s'agit d'un prénom de fille, mais c'est joli tout de même. Le prénom de la plus mignonne des quatre Saïs. Je n'ai jamais apprécié que mon ancien professeur de cosplay soit meilleur que moi au Chogi. Mais ce soir, tout va se terminer pour toi. Plus de karaoké, ni de longues soirées d'hiver à regarder des épisodes de Orange World. Mais Hellboy, on soif de ton sang. Eh, tout doux les toutous tatoués. Toujours à vous prendre pour des grands juste parce que vous avez une araignée marquée au fer rouge dans le dos. Débarrassez-vous de lui. C'est ça, venez. Il possède un authentique sabre Muramasa. Ah, problématique. Hachi, est-ce que ça va? Aidez-moi, professeur. Je vais les retenir. Toi, reprends l'ascenseur. Sûrement pas. Je pense qu'un vieil ami aurait envie de vous achever. Veuillez accueillir le professeur Snap. Eh bien, vous voici en mauvaise posture, Jabus. En voilà une jolie épée. Mais moi, je possède le fameux Zanpakudo, forgé par des otaku particulièrement belliqueux. Et là! Va-t'en, Hachi! Mais vous m'avez même pas tout dit ce que vous vouliez me dire la dernière fois! Vite! Bon, j'y vais. On dirait que le garçon s'est enfui, maître. Trêve de bavardage! Fais-le maintenant! Cerberus, s'il vous plaît! Bankai, Tensa Sagetsu! La prochaine fois, je renaîtrai au calme! Arrêtez, c'est terrible! Tu y es arrivé, Hachi, tu l'as fait! Les geôliers m'ont relâché ce matin même. C'est le plus beau jour de ma vie. Non, Arid, vous comprenez pas. Oru de Morute est revenu. Dunbanawa, il est resté en haut pour me protéger. Qu'est-ce que tu me racontes là, Hachi? En haut, en... Oh, il y a quelque chose qui tombe, on dirait. Non! Professeur!